un verre de feu dans ma gorge rouge. Riders qu'il crache des flammes sur la Chaque gorgée résonne comme un baril. Dangereuse comme au Far West, je viens tout piller. Mes poings pour seules armes. Le temps de me vêtir, j'apporte la tempête et le drame. Tes tourelles s'effondrent sous mes pas de plomb. Ton pseudo s'inscrit dans la poussière puis s'efface au front. Whisky Dynamite, ma loi dans la nuit. Riders kill cavalier, personne ne survit. Chéri fantôme, les tunnels résonnent, mes balles y font l'aumône. Sur chaque toit brûlé, ma silhouette s'élève. Un cow-boy immortel dans la rouille et la sève. Ton tronc explose, tes murs s'écroulent sous mes éperons. Ton clan s'écoule, ma voix rock résonne, pleine de poussière. Je bois ton déclin comme un whisky amer. Whisky Dynamite, ma loi dans la nuit. Riders kill cavalier, personne ne survit. Dans la fumée des raids, ton cri s'efface sous le ciel rouillé. Tes coffres, j'ai brisé tes clés, ton clan m'a supplié, mais je l'ai piétiné. Ton pseudo gravé dans mes éperons rouillés, chaque pas que je fais, c'est un monde écrasé. Whisky Dynamite.